bonjour aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde et du choix musical avec la participation de Denis Marchand à la recherche. Et aussi, je note la collaboration de Louis Douville, Noël Douville, Robert Blanchette et Yves Farley, qui à chaque semaine me font part de leurs commentaires sur les pièces de l'émission. C'est toujours très judicieux et ça me permet d'améliorer le produit de semaine en semaine. Aujourd'hui à l'émission, nous avons David Gilmour, Sweet Billy Pilgrim, Fish on Friday, Mostly Autumn, Neo Prophet, Riverside, Ziptang, Delirium, Turbulence. J'ouvre une petite parenthèse. Un des deux seuls groupes de rock progressif du Liban. Et nous aurons en fin d'émission le bloc consacré aux pionniers du rock progressif avec un palmarès remanié de l'émission Rock de Neurones. Et en 26e position, nous aurons Porcupine Tree. Et en 25e position, Hatfield and the North. Alors, on débute l'émission avec David Gilmour, le guitariste bien connu de Pink Floyd, qui vient de sortir son 5e album solo. Le 5e en 37 ans, l'album s'intitule « Rattle That Lock » et on va entendre deux pièces, « Faces of Stone » et « Beauty ». Alors voici David Gilmour. Faces of stone that watched from the dark as the wind swirled around and you took my arm in the park. Images framed hung high in the trees and you talked of your youth, but the years had turned dry as the leaves. Mm-hmm. on the roof. The night overflowed. No more was said, but I learned all I needed to know. Your Hollywood smile shone a light on the past, but it was the future that you held so tight to your heart. C'était David Gilmour avec deux pièces extraites de son plus récent album Rattle That Lock. On a entendu Beauty et ça a été précédé par Faces of Stone. On enchaîne avec un groupe que je qualifierais de Blood, Sweat and Tears du 21e siècle. J'ai nommé Sweet Billy Pilgrim. C'est un groupe britannique dont on connaît quatre albums, dont un très récent. Et la pièce qu'on va entendre, c'est extrait d'une compilation de la compagnie de disques Keyscope, volume 6. Et la pièce s'intitule Hate Song. Alors voici Sweet Billy Pilgrim. Alors, c'était Sweet Billy Pilgrim avec la pièce Hate Song et c'est extrait de l'album Keyscope, volume 6, qui est une compilation de la compagnie Keyscope. Dans un tout autre registre, on va aller du côté de la Belgique avec le groupe Fish on Friday. Ça va conclure le premier bloc. Et Fish on Friday a 3 albums parus depuis 2010. Alors, c'est une formation très récente. Et le dernier album paru s'intitule Godspeed. Et c'est la pièce titre de cet album-là qu'on va entendre. Alors, voici donc Fish on Friday. Let go the wheel, head for bright light. silence cuts through the noise. There's nothing but heartache, silence so loud I wish it fades away. Silence so loud I fear it's here to stay. Alors, on vient d'entendre Fish on Friday, une formation belge avec la pièce titre de l'album Godspeed qui est paru en 2014. Après la pause... Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute le deuxième bloc de l'émission avec une formation britannique, Mostly Autumn. Mostly Autumn qui a déjà 10 albums studio à son actif. On leur connaît aussi 14 albums live, 8 DVD et 3 compilations. C'est une formation qui est très performante live, mais aussi en studio, mais on leur reconnaît leur présence scénique. Ce qu'on va entendre, c'est justement une pièce extraite d'un concert et ça apparaît sur la compilation Prognosis 5 et la pièce qu'on va entendre c'est Evergreen. Alors voici Mostly Autumn. Here's a song that's been with us for a while. Thank you. Thank you. Alors, c'était Mostly Autumn avec la pièce The Evergreen. C'est enregistré en spectacle et c'est extrait de la compilation Prognosis 5, parue en 2009. Alors, on enchaîne avec une nouvelle formation belge, en fait, qui en est à son deuxième album en 6 ans. On parle ici de Néo Prophète. L'album qui vient tout juste de sortir s'intitule Time et la pièce de The Hourglass. Alors, voici Néo Prophète. Watching the sun. Alors, c'était la formation belge Néo Prophète avec la pièce The Hourglass et c'est extrait de Time, leur dernier album qui vient tout juste de paraître. On va maintenant du côté de la Pologne avec une nouveauté de Riverside. Ça fait déjà, en fait, depuis le 4 septembre que cet album Love, Fear and the Time Machine est sorti. Le groupe s'est produit d'ailleurs au Québec la semaine dernière et ça a été très bien apprécié, surtout de Sam Girard. Alors, on va entendre la pièce « Saturate Me ». Alors, voici « Riverside ». Invisible, oh life, Alors, on est d'entendre Saturate Me, qui est l'extrait du plus récent album de Riverside, Love, Fear and the Time Machine. Après la pause, Zip. Jimmy Farley. On débute donc le troisième bloc de l'émission avec une formation américaine du nom de Zip Tang. C'est une formation qui existe depuis 2007. On leur connaît 5 albums. Et une particularité intéressante, c'est que les 4 derniers sont cotés en haut de 4 sur le site Prog Archives. Alors, ça en fait un groupe assez consistant. Alors, on va entendre la pièce qui est extraite de l'avant-dernier album Das Reboot, et la pièce s'intitule Atmosphere. Yeah. Alors, c'était la formation américaine Zip Tang avec la pièce Atmosphere et c'est extrait de Das Reboot, paru en 2013. On va maintenant du côté de l'Italie avec le groupe Delirium. Delirium qui vient de faire paraître leur cinquième album. Notons qu'ils ont produit trois albums entre 1970 et 1974 et après une éclipse de 35 ans, ils sont revenus en disque. Le très bon album est nommé Del Vento, qui est paru en 2009. Et tout récemment, un nouvel album vient de paraître, c'est L'Era della Menzogna. Et ce qu'on va entendre, c'est Il Castello del Mago Merlino. Alors voici Delirium. Thank you. lasciai i sogni miei, quando il mondo si avvicina, porta solo dei guai, io scopro in te dolce illusione, linfa dei sogni miei. Quando il bene ti abbandona, lascia il vuoto intorno a te, guardo in fondo nel mio cuore e più luce non c'è dentro casa mia, il fuoco è acceso e paura non ho. Thank you. Alors, c'était le groupe italien Delirium avec la pièce Il Castello del Mago Merlino, et c'est extrait du tout récent album L'Era della Menzogna. Et on va conclure le troisième bloc avec un groupe du Liban. C'est la première fois qu'on a un groupe du Liban à l'émission. En fait, sur la base de données que je possède, il y en a seulement deux. Et l'album a été enregistré à Beyrouth. Et le groupe s'appelle Turbulence et l'album Desequilibrium, Déséquilibre. Alors, c'est la pièce titre. Voici Turbulence du Liban. We'll be right back. quatrième bloc de l'émission, le bloc consacré habituellement aux pionniers du rock progressif. Et à partir de cette semaine, on va remplacer le palmarès Rolling Stones par un amalgame entre le palmarès Rolling Stones, le palmarès de Prog Archives et certains changements apportés par l'animateur de l'émission. Et on va passer en revue avec les prochaines émissions, durant les prochaines émissions, les 50 meilleurs albums selon cette compilation de palmarès. Et cette semaine, on débute avec Porcupine Tree, qui est un groupe britannique mené par Steven Wilson. C'est un groupe incontournable sur la scène du rock progressif des années 2000. On leur connaît 10 albums studio et une infinité d'albums live. Et ce qu'on va entendre, c'est la pièce Anesthetize. Et c'est extrait de Fear of a Blank Planet. C'est paru en 2007. Alors voici Porcupine Tree. Thank you. I was counting up the waves, and I followed the short life as they broke on the shoreline. I could see you, but I couldn't hear you. Alors, c'était Porcupine Tree avec la pièce Anesthetize. C'est extrait de l'album Fear of a Blank Planet. Et ça, c'est l'album numéro 26 dans le palmarès rock de Neurone. On va conclure l'émission avec une formation britannique des années 70, Hatfield and the North. C'est une formation qui a duré l'espace de deux albums. Ce sont des musiciens qui provenaient de Caravan et de Soft Machine. Et l'émission a été rejointe un peu plus tard par Dave Stewart de Egg. La formation a duré l'espace de deux albums, après quoi Dave Stewart a quitté pour former ce qu'on a connu comme le groupe étant National Health. Alors, extrait de l'album de Rotters Club, on va entendre trois pièces. La première, c'est Share It, Longing They're Trying et Underdub. On va reconnaître le style canterburien et les mélodies à la Caravane. Alors voici Hatfield and the North. Generosity that turns me on, so let's keep it that way. Help yourself to me, I'll help myself to you and all your friends. We can spread it around, so if you can spare it, then on and share it. Let's get on with it, 'cause we're wasting our time. Please do not take it seriously, really. What a joke. Of acute embarrassment would make you cringe. Spend your money elsewhere. I won't trouble you with all that cheap philosophy. It's better still to watch that on TV. Most especially adverts of some slinky hairspray when the plastic actresses take off their clothes just to demonstrate all their curves and cleavages and subtleties, quite forgetting their hair. But please do not take it seriously, really. What a joke. Là, c'était la formation britannique Hatfield and the North, en position 25 du palmarès Rock de Neuron, et on a entendu Underdub, ça a été précédé de Longing, They're Trying, et en début, Share It, des trois pièces extraites de l'album The Rotters Club, paru en 1975. Alors, ceci met fin à